toujours avoir par les trucs un peu pop comme ça, j'ai envie de chanter sous la douche. C'est le meilleur groupe du monde qui s'appelle Satan. Ce qui rend Larsen super désagréable et super douloureux, c'est qu'il se crée sur une fréquence précise. Ils font vraiment du crust à l'ancienne. Putain, le Larsen de saxophone. Mais moi, je me dis, le rock, c'est pas que ça, quand même. On avait d'autres trucs, on a eu d'autres folies, d'autres délires. Je prends de la bière. Et bonsoir à tous, bienvenue dans Larsen Mori, le Radio Larsen. Voilà. Ouais, bonsoir à tous, on est très contents d'être là. Salut, salut, le dernier arrivé, vous salue. C'est parce que tu sers le cidre, c'est pour tout ça. Tout à fait, j'étais pas encore véritablement prêt, mais ça va venir tout doucement. On espère que ce petit générique Made in Arnaud vous a plu. Ouais, parce qu'il va rester. Ah bon, on fera des variantes. Alors, c'est parti de quoi? Je voudrais une petite explication. Pourquoi? C'est alors, une idée de Mitch, mais je sais plus pourquoi. Mais c'est drôle, sans ouais, doute. C'est, voilà, c'est parce ça. Que l'humour, la cause du Larsen. Pourquoi ah, on oui. sur le Larsen? C'est parce que Marcus, c'est son préféré. Son voilà. péché mignon. Et il adore ça y est, le pas couper le Larsen, c'est bon. Je peux sortir les fins de morceaux. Voilà. Bah, elles sont toutes là, toutes les fins de morceaux donc, dans le générique. Est-ce que t'as apprécié l'hommage du coup? C'est une sorte d'hommage. Spécial de. Oui, on va dire ça. Ouais. Surtout celui, surtout après, ça. La question fondamentale étant, est-ce que c'était plus désagréable les Salles Majesté ou le générique des Larsen? Ah. Et alors là, je pense que la question peut faire débat et divise. Oui, mais on chantait pas la Marseillaise avec des packs de 16. Bah non. En sirotant des packs de 16. Voilà, instant poésie. Ouais. Un peu plus de poésie, Arnaud, peut-être, éventuellement. Oui, un petit peu plus. On va tout de suite s'écouter un morceau. Alors, le groupe, c'est Crow. C'est un groupe japonais qui joue du hardcore. C'est très, très bien. Et du coup, le titre du morceau, je suis bien incapable de vous le lire parce qu'il est écrit en caractère japonais. Alors, j'avais tout prévu, mais j'ai oublié ma petite feuille. Voilà, donc on va écouter Crow tout de suite. Come on! On sait pas ce que c'est, mais on mange si, bien. Ouais. Si, on sait ce que c'est le morceau Mémaille, car j'ai eu le temps de consulter Internet, entre-temps, de l'excellent groupe Crow. Voilà. Et, hardcore tendu. Ouais, c'est ça, oui, ça vient d'un petit EP éponyme qui s'appelle Mémaille aussi, et qui est sorti en 2010 de mémoire. Voilà, allez vérifier quand même, mais c'est très très bien, voilà. Ouais, très bien, du coup on va enchaîner avec Splinter. En fait, j'ai fait ma petite thématique Roadburn, là où j'étais écouter un peu tout ce qu'ils font passer, et en trouvant toujours des groupes que je connais, c'est voire pas du tout, ou juste un petit peu, il y a toujours des trucs aussi cool. Même si les curateurs, ceux-là, cette année, sont un peu moins, c'est un peu moins mon truc, mais il y a quand même pas mal de choses. Il y a notamment des groupes d'impro jazz que j'ai pas mis. Mais, c'est marrant, ça. Mais bon, voilà, pour ceux qui veulent, en plus, ils jouent les 4 jours parce qu'ils font des sets différents et tout. Donc 4 fois, je me suis tapé le début de la vidéo avec l'intro jazz de l'enfer où c'est inaudible et je me suis fait baiser 4 fois. Je fais bon, voilà. Du coup, j'ai pris des trucs. Ça, t'as quand même trouvé une playlist. Oui. J'ai pris des trucs. Bons trucs en plus. J'aime bien ta playlist cette fois. Ah bah ouais. J'ai pris des trucs un peu plus écoutables. On va commencer par Splinter. Voilà, je me souviens plus du tout. Mais c'est cool. On a bien travaillé. Maître, voilà. En fait, j'ai juste cette blague, mais je sais plus du tout ça, quoi ça ressemble. C'est moi qui l'ai faite. Je sors rarement des blagues à l'antenne. Voilà. Je suis plutôt content. Ça me fait plaisir quand t'en fais. Et juste après, on va s'écouter Early Graves. Alors, pour ceux qui seraient de la région d'Épinal et qui auraient connu le groupe The Early Graves, vous allez voir qu'il y a une légère différence de production et de style musical, mais il y a moyen que ça marche quand même. What? Voilà, on vient d'écouter Early Graves, donc tu vois, comme disait si bien Mathieu, c'est pas vraiment Nico qui chante, ça se sent vite. Et juste avant, c'était Splinter, ouais, j'ai eu un petit trou de mémoire, mais ouais, c'est un groupe, c'est un tout petit groupe, mais je sais pas, il y a un côté tendu cuir moustache psyché qui me plaît beaucoup, beaucoup. Voilà, ça n'a pas fait vraiment l'unanimité autour de la table. Mais bon, le cuir moustache fait l'unanimité. Le cuir moustache, oui. Après, était tendu. Voilà, si, les tu avis, sens qu'il y a un petit côté les avis ça. Divergent. Ouais, moi j'aime bien le glam quand même. Si je peux faire pas glam. Mais l'essentiel, c'est que ça plaise. Oui, non, oui. C'était pas mal. Oui, oui, non, ça va. C'est pas un mauvais morceau. Puis Early Graves, c'était très bien, carrément. Oui, tu vois, quand même. Il fait des efforts. Ah oui, non, mais de toute façon, j'ai vu ta playlist. Tu m'as passé de très bonnes choses. Donc. Voilà, plaisir. Tu m'aurais dit ça. Mais j'ai pas vu ta playlist. J'ai mis des morceaux quand même. Oui, t'as mis des morceaux, oui, mais j'ai pris ça à la volée, hache. À la ouais, volée. C'est ça, oui. Bon, ben je vais. Il y a du boulot, je peux vous surprendre. Puis, alors. Mais surprends-nous, après toi d'ailleurs. Bon, ben c'est mon petit bloc. Alors, on va commencer par Eta Carinae, qui est un groupe de Barcelone, donc Spain. Oui, bah écoute, excuse-moi, oui, les destinations qui marchent bien. Pour l'instant, on n'est pas surpris. Ah, voilà, toi, tu as dit surprends-nous, bah du coup. Non, mais je compte pas vous surprendre. Je compte mettre des choses agréables à écouter, tout simplement. Oh là là. Voilà. Donc c'est un LP en fait qui n'a jamais été sorti, je pense qu'ils ont peut-être splitté, enfin je sais pas c'est quoi le pourquoi du comment, et ils ont mis ça en ligne il y a peu. D'ailleurs je remercie Fabien Lubic qui d'ailleurs nous avait envoyé des morceaux pour passer à l'émission, je crois, enfin je sais pas exactement le pourquoi du comment, mais en tout cas vu que je sais qu'il écoute un peu l'émission, voilà. S'il veut nous expliquer un peu le pourquoi du comment, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs je tiens à préciser qui m'a renvoyé un message pour me dire qu'il allait voir ce groupe de trash speed metal qu'on avait vu en première partie de Dobbs Throne. Nous a-t-il écouté ? Oui, oui, il a dit ouais. Grâce à vos merveilleuses chroniques de concert. Il a dit, j'ai écouté vos conseils, je vais aller les voir ce soir. Ah merde. Et j'ai pas eu de mail depuis, donc je pense qu'il ne veut plus jamais nous parler. On n'a pas été assez explicite. Je pense que si, c'était très clair. Ah mais en même temps, c'est toi qui passes ça aussi, bon. Bon, c'est pas la première fois que je fais preuve de mauvais goût, voyons. C'est vrai. C'est pas la dernière, attention. Hein. Bon. Alors revenons à nos crust espagnols. Donc le titre c'est Fragment. Du coup à la base c'est plus un crust un petit peu mellow, mais le morceau là il est vachement plus mi-tempo, très très bien. Et juste après on va se mettre Jeanne, un groupe de Strasbourg qui existe depuis quelques années, je ne sais pas trop en fait exactement. C'est un LP sorti en 2017 avec le titre 5-8. Voilà, une sorte de thématique dans leur titre que je n'ai pas vraiment compris, je n'ai pas cherché à comprendre, mais voilà, c'est des chiffres comme ça, pourquoi pas. Et le LP, c'est 1, d'ailleurs, voilà, tout à fait. Enfin, c'est un trait, quoi. Non, 1, 5, 8. 1, 5, 8, après, c'est 1, 5, 9, bon, voilà. Si quelqu'un fait de la numérologie, qu'il n'hésite pas à appeler la radio. Donc, Jeanne, voilà, j'en passe parce que c'est bien, et aussi parce qu'il joue le 28 février à l'Entracte à Saint-Dié, donc on en reparlera à ce moment-là sur l'agenda concert. Donc on s'écoute ça, Jeanne c'est un groupe de scrimo de Strass qui assure bien. Yeah. Merci, bonsoir. Yo, donc vous êtes toujours sur le 107 FM Radio Gamozo, dans l'émission Memento Mori, jusqu'à 22h en direct. Voilà, de musique, puis de conneries. De l'arsène. De l'arsène, de pas mal de choses. Et de nourriture. Voilà. Voilà, de musique expérimentale. De bruit de mastication. Ouais, c'est toujours un peu. Bah, ça, ouais, ça fait le charme. Peut-être qu'on ferait ça à 17h, ce serait peut-être pas pareil. Non, ouais, tout à fait. Voilà, là, c'est l'horaire. Je pense que si. Ouais, peut-être un peu moins chargé. Oui, sur, là, on a quand même. Sur le gustatif. On passe de l'entrée au dessert quand même. donc, à l'instant, on vient de s'écouter Jeanne, groupe de Strasbourg, et juste avant, Eta Carinae, groupe qui n'existe plus, qu'on avait notamment vu au Caniveau Chaos il y a quelques années, et moi que j'avais découvert au Subbox Club et que j'avais pris une claque monumentale devant 4 personnes, enfin avec 4 personnes plutôt que devant. Et depuis, j'aime bien. Cool. On va enchaîner avec mes petits trucs japonais, parce que j'ai fait une petite sélection un peu asiatique, on va dire. J'ai vu. Alors d'ailleurs, désolé de t'interrompre là-dessus, mais du coup, j'ai mis quelques morceaux cet après-midi au travail. Ah. Et du coup, j'ai montré ta playlist à ma collègue. Elle revient tout le temps, la collègue. Est-ce que t'as fait le guacamole, la collègue? Non, mais ça devient un running gag tellement, en fait. Tu sais, genre, elle a vu tous les idéogrammes japonais. Et déjà, elle a eu peur. Mais le regard. Elle serait devant un train qui arriverait à grande vitesse, à peu près la même. C'est un brin discriminatoire quand même. Non mais bon, c'était pas complètement innocent de mettre vraiment des trucs avec beaucoup d'idéogrammes. C'était un peu aussi pour t'emmerder, Mitch, jamais. Mais bon, du coup, je me suis bien fait avoir parce que je me retrouve avec une playlist à moitié illisible. Bah ça t'apprendra. C'est bien fait pour moi. Comme quoi il y a une justice. Voilà, bref, on va écouter Shikabane, qui est un groupe de crust. Un petit peu qui tend vers un peu vers le black metal. J'ai découvert ça sur l'excellent blog Red Anarchist Black Metal, qui permet de découvrir des groupes engagés du bon côté et qui joue des trucs un petit peu black. Donc très chouette groupe japonais de ce style-là. Plutôt, ouais, pas mal connu. Ils ont fait un split avec Agathocles, comme beaucoup de groupes, mais voilà. Ça vous donne un peu, en tout cas, la couleur musicale de Shikabane. Et juste après, on va écouter The Jelly Roll Rockheads avec le titre Ganja Boy, issu de l'album Intense and Mild. Et c'est du punk très rapide qui tire vers le hardcore. Ça va durer 48 secondes. C'est complètement japonais, un peu déstructuré. Et ça bourre, ça bourre, ça bourre. Voilà. Shikabane et The Jelly Roll Rockheads. Mais ouais, c'était vachement bien, c'était The Jelly Roll Rockheads avec le morceau Ganja Boy, et juste avant, c'était Shikabane avec le morceau Hatred. Voilà. Un petit retour, s'il vous plaît, doit se faire. C'est important d'en parler. Visiblement, Mitch en avait parlé à la dernière émission, mais j'ai pas suivi. Comme à chaque fois que j'ai quelque chose. Si, mais bon, je connaissais pas, du coup, j'ai pas retenu quoi. Et sur le Facebook de la radio. enfin de l'émission, il y avait un superbe clip de... De Ningen Issu. Voilà, donc si vous avez ce réseau, enfin en tout cas vous pouvez regarder même si vous n'avez pas, mais il y a un petit clip quand même de toute beauté. Bah, ça vaut le détour. Voilà, donc c'est pas très loin, il n'y a pas besoin de trop descendre les pages, il voilà, y a quelque chose quoi. Faut pas donner trop d'indices. Non, mais faut y aller quoi. Bon, accrochez-vous quand même. Faut y aller. Asseyez-vous avant, c'est important, et puis après, voilà, faites-vous plaisir. Tu vas être super déçu des gens qui vont regarder. C'est quoi cette merde? Bah, tu sais, mais encore, parce que, Emile, quand c'est moi qui dis un truc, oui, bah, c'est bon, c'est attend, encore un truc à Mitch, c'est bon, c'est de la merde. Mais là, du coup, tu cautionnes ça, et bah, là, c'est, ça prend une toute autre dimension. Ah, bah écoute, ça fait plaisir que ma voix ait autant d'importance. J'y crois pas vraiment. Je suis Mounet, et j'approuve ce message. Ouais, je vais me présenter au municipal, quoi. T'as encore 6 jours pour le faire. Ouais. D'ailleurs, il y a un parti de Nancy totalement pourri qui se présente là, un parti sous couvert de droite qui est totalement pourri de l'œuvre française. Je sais pas comment ils s'appellent, mais c'est eux qui font une alliance de droite, ouais, qui a fait une réunion de 2P exactement. Voilà, des fascistes locaux qui se regroupent sous une étiquette non étiquette justement. Ils étaient fiers de ça, d'être sans étiquette, oui, alors que c'est l'œuvre française qui est derrière tout ça. C'est un peu osé. Bon, si tu veux, moi hier, je me suis retrouvé à regarder un peu le débat des municipales à Épinal. T'avais Robineau, donc, qui est l'espèce de girouette nazie qui maintenant roule pour Dupont-Aignan, mais qui avant était chez le FN, et qui se prenait la tête avec le mec actuel du FN, et qui lui disait « Ouais, au FN, on peut pas faire ce qu'on veut, et tout. » Je dis « Mais mec, t'es chez Dupont-Aignan, enfin, c'est... Pourquoi... Fais pas le malin. Tu devrais raser le royalisme n'est pas le même. Hein. » Oui, ah bah, ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, bref. Plus vive mecs. Le roi! Vive le roi! Il faut pas ça à la fin? Alors. Non. Je me suis dit, essaye de trouver un truc. Non, du coup, on va repartir sur des bonnes bases. On va s'écouter Russian Circles. Ah, voilà, gros classique du post-rock solide. Voilà. Qu'on a sûrement déjà dû entendre dans l'émission, je pense, dans quelques années. Oui, hein. Oui. Oui, non, parce que c'est quand même quelque chose de très très solide, que ça soit de côté guitare, basse ou batterie, c'est assez excellent. Niveau chant, ça va, parce qu'il n'y en a pas, donc du coup, comme ça, on est sur le tranquille. Ça simplifie. Alors, on peut peut-être en faire un peu d'improvisation. Oui, on laissera les micros ouverts et puis on verra ce qu'on peut faire. Un petit slam post. Voilà. Et oui, enfin bon, bref. On vient perdre 4 auditeurs. Du coup, il n'en reste plus que 2. Et juste après ça, on s'est écouté Cloud Rat. Que très Mathieu bon. Affectionne particulièrement. Oui, bah, je pense qu'Arnaud aussi. Ah ouais, mais c'est mortel. Oui, et bah, tout ça joue aussi au Roadburn, les deux là. J'ai d'ailleurs un bon souvenir de Cloud Rat quand on jouait au Fluff Fest en République tchèque. Tout à fait, on les a vus. Ouais. Et que du coup, c'était le moment pour nous de jouer. Donc je m'étais dit, bon, bah voilà, on recule la voiture, on décharge le matos, on se prépare. Et c'est le moment où Mathieu a disparu. Et en fait, il était en train de regarder Cloud Rat sur la scène d'à côté. Moi, j'étais en panique, je l'appelais. Puis lui, il était, ouais, c'était vachement bien le groupe. Ok, voilà. C'était bien, un sort de grind avec plein de côtés un peu noisy dedans, tout ça, ouais. De la pédale, tout ça, un peu chelou. Un côté black metal moderne aussi, en tout cas sur le dernier album que j'ai écouté. Mais ouais, c'est ultra cool, avec une voix qui défonce. Ouais. Ça tient largement la route. Ils font une tournée ? Enfin, ils font une tournée, parce que je crois que c'est une oui, c'est une chant, chanteuse. Hein. Et je sais pas si ça fait une tournée. Ouais. C'est une très bonne question. Ouais. Bon, ça passe pas dans le secteur, en tout cas, on est pas au courant. Évidemment, on le saurait. Personne n'était contacté là, pour ce genre de data. Bon, en tout cas, c'est pas la souris verte, ça c'est un peu plus sûr. Voilà. On s'écoute Russian Circle, c'est Cloud Rat juste après. Et voilà, à l'instant, c'était les Escape Games. Ah non, c'était excellent, c'était Cloud Rat. Ouais, très solide. Ouais, et très bon morceau. Hein. Et juste avant, c'était Russian Circles. Voilà. Excellent. C'est du nouvel album, ça ou... Ouais, c'est ça que tu disais. Je crois que c'est 2018 ou 2019. Okay, c'est un truc récent que t'as pris, quoi. Ouais. Après, ils ont plein de splits, ils ont un bandcamp assez fourni, je crois. Sûr, bah, moi j'ai été regardé sur Spotify, mais oui, ça doit être ça. D'accord. Mais ça a l'air d'être quand même pas mal actif, quand même. C'est le capitalisme de la facilité. Voilà. Oui, bon, Bandcamp, c'est pas non plus très indépendant. Bon, c'est peut-être indépendant. Et quand puis même. Après, du coup, oui, mais un bon. Peu plus. Après, les morceaux, si, des fois, ils sont juste payants. Donc, oui, tu payes pour le morceau, donc c'est pas non plus. Alors, on m'a donné un truc de code que j'ai encore pas essayé pour craquer des Bandcamp. Faut que j'essaye ça. je le donnerai à l'antenne. Ouais, c'est ça. C'est super intéressant. Non, mais après, juste en termes de Bandcamp, quand même, la redistribution de Bandcamp est vachement plus importante par rapport à Spotify. Oui, non, puis justement, il faut de la pub par rapport à ça quand même. Quoi. Mm-hmm. Bah, il y a une sorte de défense de culture musicale quand même. Quoi. Voilà. Non, mais c'est. Enfin, Bandcamp, ça... après, je veux dire, c'est une grosse machine aussi, donc il y a forcément des penchants pas terribles. Mais. Je veux dire, ils prennent une commission sur ce que tu reçois en temps, enfin, de thunes. Oh, ils prennent pas mal quand même, hein, en termes de pourcentage, quand tu t'achètes... Bon. Ouais, voilà, après, il y a pas mal de groupes qui peuvent mettre les trucs gratos aussi, tu vois. Ouais, tout à fait, donc tu peux mettre gratos. Oui, mais même si c'est gratuit et que les gens mettent du prix libre, oui. Ils ont quand même, tu reçois quand même, ouais, t'as quand même une commission dans tous les cas. Oui, non mais bon, voilà. Non mais, voilà. Oui, mais bon, quand c'est gratuit, bon... C'est y pas y a peut-être moins qui mettent de prix libre aussi, puis du coup, le groupe, il est... Oui, tout à fait. Non mais voilà. Nous, on a gagné, pour te donner une indication, on a gagné 16 dollars avec Bandcamp depuis 10 ans. Ah bah oui, nous aussi, ça tombe. C'est régulier qu'il y en ait qui mettent 2-3 euros, puis toi, tu touches 1,50 €. Ah ouais. Voilà. Bon, voilà. Mais bah, tu fais pas ça. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui font voilà, tous les trucs gratuits comme ça, ils refont ça pour des trucs de soutien, tout ça. Pour redonner 10 balles, bon. Oui, voilà. Faut que ça vaille le coup quand même quoi, de faire c'est un soutien. Quoi, c'est toujours, Puis bon, le concept, c'est quand même de faire écouter gratos sur Internet, quoi, pour que les gens achètent le truc physique après. Chacun quoi. Est libre après de faire... Oui, bien plein, sûr. Hein. T'as plein de groupes ultra indépendants, DIY, où leurs morceaux sont payants sur Bandcamp. Ah hein. Oui, non, bah, oui. Ça, il y en a, mais beaucoup. Il hein. y a aussi un gros souci, c'est que... Enfin, un gros souci. C'est que Bandcamp avait fait une mise à jour où tu pouvais dire, en gros, t'as 3 écoutes gratos, et après, tu forces les gens à payer. Et ça, c'est en fait un paramètre de base. Et c'est pas un truc que tu peux choisir de mettre, en fait. Mmh. Et oui, t'as pas le choix. Ouais. Bah, ouais. C'est comme les 200 téléchargements. Bah, ça, t'as pas le choix. Mais je veux dire, les 3 écoutes gratos, tu peux l'enlever, si tu veux. Mmh. Mais de base, il est activé. Et je sais que moi, à l'époque, avec Diego, on s'était fait avoir, en fait. C'est comme les trucs de la SACEM quand tu fais presser. Quoi. Si tu fais pas attention, t'as le logo dessus. Quoi. Voilà. Mmh. Ouais. Les gens nous avaient dit, le truc et tout. Bah, désolé, mais pas au courant. Quoi. Et en fait, on l'a enlevé, forcément. Mmh. Ouais. Mais du coup, c'est voilà. Genre Chien, par exemple, qui, à mon avis, n'est pas vraiment le groupe le plus capitaliste qu'on puisse connaître. ils ont le truc là, quoi. Ah ouais. Bon, on sait jamais, des fois qu'ils écoutent, changer les paramètres. Pourriture capitaliste. Ouais. Non, mais voilà, c'est. Genre bon, MP à Michaud. les paramètres nous auront, quoi. Les astuces, ouais, c'est les paramètres. Ça, bah, bien sûr, c'est comme ça qu'ils font leur beurre. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok, en parlant de beurre, on va s'écouter un groupe de post-punk. Qui est très très fluide, très lisse, voilà, très tout à fait. On cherchait le lien quand même. Je suis bon, allez, faut pas le laisser tout seul, faut l'aider sur le coup là. Je savais pas trop où j'allais. Hein, on va faire des transitions comme ça. C'est de l'impro, je suis pas spécialement très théâtral. Non, mais tu t'en es bien sorti. T'es bien tombé sur tes pattes. Ok, donc on va se mettre deux petits groupes post-punk. Je crois que les deux viennent de Lyon, mais je suis pas sûr. Je vais pas dire de conneries, mais je l'ai dit quand même, c'est trop tard. Donc c'est deux groupes qui ont joué à MJC des Trois Maisons samedi. Donc bon, pour la promo, on va dire que c'est trop tard, mais c'est pas grave parce que les groupes sont relativement cool. Donc on va se passer Raskalnikov. Voilà, qui est vraiment très très très bien, que j'ai découvert. Enfin, c'est une veine post-punk assez classique, mais la voix est chaude. Enfin voilà, j'adore. Donc l'album vient de sortir ou va sortir. Lazy People Will Destroy You. Avec le titre Marteau Point Lighthouse, si je dis pas de conneries, c'est un peu mal écrit, c'est mon écriture. Et juste après, on va se mettre Tisiphone. Donc là, elles sont bien de Lyon, un trio aussi post-punk, un petit peu post-punk déviant, quoi. Ils se permettent pas mal de choses. L'album Coma Forte va sortir en version physique d'ici peu, notamment par l'ami Thierry Acide Folique qui reprend les activités de sortie Records, et du coup Acid Folic participe à ça, donc c'est plutôt cool. Et le titre c'est Atomic Issues, donc voilà, on a 6-7 minutes de détente post-punk avant l'agenda. Left, nothing left. There's nothing left in your eyes. Voilà, à l'instant, c'était Tisiphone. Tout à fait, Tisiphone avec le titre Atomic Issue, donc, album qui vient de sortir. Un groupe qui est passé aux Trois Maisons à Nancy ce week-end. Je pense qu'il y avait du monde, parce que les soirées comme, là, comme ça, ça marche toujours bien. Et juste avant, Raskalnikov, voilà, groupe découvert il y a peu. Très bien, très bien. On va enchaîner avec du japonais, pour ne pas changer. Beaucoup moins de vietnamien quand même. Ouais, non, j'en ai pas beaucoup. J'ai du coréen, on verra après. Alors, le groupe c'est Birusana, ils jouent une espèce de doom assez particulier, un peu expérimental, parce qu'ils utilisent pas mal de percussions traditionnelles japonaises, et avec un chant, voix claire, assez un peu incantatoire, chanté en japonais. Du coup, ça donne un mélange un peu bizarroïde, expérimental, très japonais dans l'esprit. On le sentait pas, le côté bizarre, ouais. Comme ça, là, avec la présentation, tu vois, c'est tout à fait standard. Donc on va écouter le morceau « Haini Narumade » de leur dernier album, et ça dure 7 minutes, donc posez-vous tranquille, laissez-vous bercer par le truc un peu incantatoire, et voilà, bon voyage. Et voilà. Mitch, s'il te plaît, un peu de tenue, s'il te plaît. On a l'antenne. On est quand même, on écoutait quand même par des millions de personnes. On parle quand même, la bouche vide, s'il te plaît. Bon, en tout cas, on dédicace ça à Marie quand même, voilà. N'est-ce pas? J'espère qu'elle a passé un très bon moment. Voilà. Ouais. Le belge, je t'aime bien quand même. Je sais que c'est une reproche qui est faite. Bon, il est 21h. Et c'est l'agenda concert. L'agenda concert. Tu pourrais participer, Marcus. T'as un micro, t'en profites pas beaucoup. Hein. Il est en forme. L'agenda concert. Même pas. Putain, chier. Mais des Larsen. On va appeler le chœur de Radio France et puis ils vont participer en tant que. Voilà, pour contribuer au mouvement social contre la lutte des suppressions d'emplois à Radio France. Et à Radio Gamoza. Bah, c'est pas le même plan social, mais on y viendra. Non, mais n'empêche qu'ils supprimaient quand même, je sais plus, genre 300 postes, c'était assez extrême. Ouais, bah c'était des je m'en foutis qui buvaient du café toute la journée, quoi. Pardon. Mais après, on s'étonne qu'on dit des choses de toi. Oui, second degré, excuse-moi. Attention, Mathieu, tu files un mauvais coton. Ouais. Tu vas finir par te présenter au municipal à Épinal. Ouais, on aura le choix entre la droite, un mec d'extrême droite, un autre mec d'extrême droite. Et Mounet. Non, attends, j'ai pas fini son set. Hein. Un mec du front de gauche qui sait pas aligner deux mots. Un étudiant de 21 ans qui se présente en parti écologiste. Enfin, mais si on est à Saint-Etienne, on s'en fout d'Épinal. C'est vrai, parce que moi, c'est noir, c'est noir, c'est la ville, ça. On s'en occupe pas, nous. Voilà. Et Mounet au milieu. Voilà. Qui s'est pas aligné de mots non plus. Alors, très franchement. Mieux ? Oh putain. C'est vrai ? J'ai plus d'aura ? Oh oui. Oh là là. De charisme, tout ce que tu veux. C'est formidable. Tu aurais ma voix, Mathieu. Putain, mais il fait de la radio, ça l'entraîne. Il est prêt. Ouais. T'as une belle voix, tu crois, à l'antenne ? Moi, non. Elle te plaît ? Est-ce qu'elle te plaît, ta voix ? Faut non, on a toutes des voix de merde, quand même. Moi, je réécouterais bien le générique pour être sûr qu'on a des belles voix. Disons qu'on a un physique de radio et une voix de télévision. Voilà. Allez, c'est important de perdre du temps. Oui, c'est bien. Comme ça, t'as bien eu le temps de te préparer pour la journée concert, n'est-ce pas ? Oh, tu vas voir que finalement, pas tant que ça. On va commencer avec un concert au bar Le Commerce à Mirecourt le 21 février, c'est demain, si vous écoutez cette émission en direct live, avec Anarcholix et ce magnifique groupe, où là, du coup, j'ai compris le jeu de mots à l'avance, qui s'appelle Boulon et Crew, comme Crew, ma famille, mon Crew, mais comme ça fait comme un écrou. Et voilà, c'est... Y a pas Dim aussi, à côté? Ah si, c'est vrai qu'il y a Dim. Mais j'ai cru que c'était juste un truc. Mais si j'ai pas tonnerie, c'est le mec de Lyon qui fait de la folk punk. Oui, parce que c'est pas un dimanche. Oui, non, je vois là où tu veux en venir. Mais ça aurait pu. Il a écrit, ah, c'est dimanche. Ouais, c'est... Franchement, je me suis dit, oh, ils ont fait une connerie sur l'affiche. Non, non, pas du tout. Dim 21. Mais tu viens de dire, c'est demain. C'était pas cohérent, on est jeudi. Voilà. Non, mais c'est bien vu, c'est bien vu. En termes de communication, c'est au revoir. Voilà. Il y a le Solidaire Festival, on en avait déjà parlé la semaine dernière, la dernière émission. Et je veux pas te couper, mais je vais passer des morceaux juste après. J'ai vu qu'il y avait extrêmement brutaux. The Berbizer, c'est Yann's. On va le résumer comme ça. Ça se passe à Chaligny, avec donc le vendredi soir, donc demain, Hoboken Division, Tequila Savate, et We Robastard, The Disturbed, The Nancy Dance Crashers, Sound System. Et le lendemain, il y a The Pyramid Simarip, The Berbie Seyans, dont on passera un morceau tout à l'heure, Mason's Arms. Je disais Maison Arms, ça veut rien dire du tout, mais voilà, c'est pour ça. C'est un autre jeu de mots. The Branlarians. Alors ça, je pense que c'est un groupe du nord-est de la France, à mon avis. Qui a une espèce de passion pour la hoï et les jeux de mots, finalement, parce qu'on ne peut rien leur reprocher. Et Precious Oldies Sound System. Voilà, ça se passe donc à Chaligny, c'est entre Nancy et Toul, pour faire simple. Ouais, à côté de Nancy, Vendeuvre, non. Enfin, j'en sais rien, dans les coins là, quoi. On y est déjà allé, mais on sait plus trop, quoi. C'est ça, c'est longtemps. C'était il y a longtemps, ouais. Et ouais, petite bande cool à soutenir. Très sympa, c'est un concert de soutien, comme chaque année, à chaque fois. Ce qui fait toujours du bien. On enchaîne avec un concert à Épinal demain soir. Voilà, c'est toujours aussi surprenant. Il y a Toys Breaker, Tant Bien Que Mal et Two Mobs au Lavoir Théâtre à Épinal. C'est quand même assez notable pour être noté. Le vendredi 28 février, il y a Géranium et Jeanne, dont on a passé un morceau tout à l'heure, qui passe à l'Entracte 2 à Saint-Dié. Donc voilà, vendredi 28 février. T'es sur la même soirée ou pas ? Alors oui, j'y arrive. D'accord, parce que j'en ai... Non mais est-ce que tu l'as ? C'est laquelle ? À trois, on le dit en même temps. Un, deux, trois. Brassens Note DDP Carca. C'était pas ça. Voilà. Je t'en prie, je rebondirai après. Oh, mais j'apprécie beaucoup, tu me laisses la parole. Le 28 février, à la BJC Lillebonne à Nancy, il y a Brassens Note Dead et PKRK qui font la tournée des Grands Ducs, ou des Grands Trouducs, si tu lis tout en entier. C'est bien, bonne soirée. Et donc, il y a un autre concert, donc, Mathieu. Donc, samedi 28 février, à l'espace autogéré de La Courgette à Épinal aussi, donc soirée Épinal. Soirée RPT, donc le collectif de Nancy entre Noise, Psyché, Punk et Electro. Et Carmen Colère qui fait plus du punk rock. Il y a plein de. Il y a Fleur de Skin, un truc. Il y a une affiche avec au moins 10 trucs, tu sais pas trop c'est quoi, mais il y a plein de groupes. Voilà, vendredi 28. C'est bien vendu, hein. Venez. Ouais, non, il y a plein de trucs. C'est une soirée avec plein de groupes, plein de concerts, plein de projets chelous. Voilà, entre punk et noise. Ça a le mérite de se faire, c'est cool. Bon, je pense que du coup, là, le préfet, il a pas peur qu'il y ait 200 personnes qui arrivent. Ça va. Ça a peut-être pas été. Ouais. J'en ai peut-être pas parlé, je ne sais pas. Bah, ça va. On enchaîne donc après avec le festival Au cœur de la tempête à Bruyères, à l'usine du Moulin, ce lieu qui a ouvert récemment, là, qui du coup est en train d'héberger toute la culture alternative des Vosges. Donc avec le vendredi 7 mars, c'est quand même organisé par Déviance, enfin voilà, en tout cas en grande partie par Déviance et l'usine du Moulin, avec One Burning Match, Space Zippers Invasion, Blocage 95 qui se reforme. Je ne sais pas si c'est pour faire définitivement plein de jeux, plein de dates ou pas, allez savoir. Et le lendemain, samedi 7 mars, il y a le Relay du punk rock de Nancy, pour ceux qui aiment bien le... Bah, c'est punk car, ouais, punk rock mélo avec voix féminine, assez cool. Red Rage, je crois que j'ai déjà dit la même chose la dernière fois. Oui, c'est ça, c'est pas grave, faut se répéter. On est pas assez prêts. Et Doom Sisters, c'est nous. Hey, c'est vous. Voilà. En partie. Oui, c'est vrai. Avec DJ avec, Red Light. Avec pas moi à la soirée, batterie. Tout le week-end. Et en fait, je me demandais qui était DJ Red Light. J'étais là, putain, c'est quoi genre, c'est plusieurs fois que je vois ça sur les affiches, tout. C'est nouveau. DJ set, post-punk, gothique, Vosges, tout. Je dis, c'est quoi ce bordel? Bon, en fait, c'est Marilène. Ah oui. Putain, je m'attendais à cette conclusion. Okay, cool. Bon, c'est bien qu'elle fasse ça. Oui. Voilà, chop. Ouais, non, ça va pas trop. Et je vois la date, le vendredi 13 mars. Nous voyons la préparation, hein, quand même. Hein. Oui, non, ça, on progresse. Vendredi 13 mars, donc toujours à l'espace autogéré de La Courgette à Épinal, il y a Led Bad Fear du Creus de Russie, Hello Darkness du Creus Mello des Vosges et Old Rotten Bastard du Trashcore Hardcore Crossover globalement de Nancy. Voilà, ça, c'est le 13 mars. Et petite dernière pour finir quand même, parce qu'on joue, on est en espèce de tournée internationale dans les Vosges, on va dire ça comme ça. Ouh, hey, merci pour ton enthousiasme, j'apprécie le public énormément. Le est en délire. Voilà, ou délire complètement, ça doit être ça. ça se passe le 14 mars au Petit Ménil à Ménil-sur-Belvitte, route de Rambervillers, avec Doom Sisters, c'est nous, toujours, et Phobos, ouais, du punk crust des Vosges. Voilà, c'était l'agenda concert, c'est bien, ça fait du plaisir. Ah, il est prêt, c'est bon. Il faut que je meuble un peu, Mathieu. Allez, 10 secondes. Et ben, du coup, je vais prendre un petit peu d'avance avec. C'est déjà un concert. C'est bon, allez. C'est déjà la Saint-Patrick. Ouais, c'est bon, on s'en fout de la Saint-Patrick, de toute façon, ça a toujours été juste une excuse pour faire jouer des groupes celtiques, on s'en branle, on met autre chose. Exactement, oui, du coup, ce ne sera pas celtique, donc c'est par rapport au concert, donc il y aura à La Courgette, donc le 13 mars, on va s'écouter Led by Fear, donc qui est en grosse tournée d'un mois, un mois et demi, donc groupe de Russie, de Thuyères, un truc comme ça, enfin, c'est d'être une ville un petit peu sympa. Donc voilà, ils ont déjà fait une tournée il y a quelques années et là ils jouent absolument partout, quoi. Ils font un gros tour d'Europe très très solide, j'espère qu'ils viendront en forme chez nous. L'album Russian Disconform vient de sortir et le titre est écrit en russe, autant dire que je ne le connais pas. Tu peux pas essayer un peu? Ah non, bah, je ne l'ai pas écrit et en plus non, c'est juste je sais aucun intérêt, je connais pas. Ah si, moi j'y vois un intérêt. Oui, mais je l'ai pas sous les yeux là, je suis désolé, j'ai rien su faire. Non, moi je précise quand même, c'est en cyrillique. Bah c'est ça. C'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout, je dis pas le cyrillique effectivement. Et juste après on va se mettre Parasite, sort de 10 Big Punk belge, que j'ai découvert là récemment, parce qu'ils faisaient quelques dates avec des groupes cool. Donc c'est une petite démo qui est sortie là, cette année, Build to Destroy. We'll be right back. Donc à l'instant, bon, on parlera du petit problème technique après. On vient de s'écouter les excellents Parasites, donc espérons que ça continue dans cette voie. Et juste avant, Led by Fear. Voilà, alors pour ceux qui auraient eu un doute, enfin celles et ceux en tout cas qui auraient eu un doute, c'est pas nous. J'aime bien les triplettes de Belleville, mais je suis pas sûr que j'aurais passé le morceau. Parce que par contre, c'est ça qui est passé. Alors, du coup, ah oui. Très bien, bon, c'est pas. Ça va, c'est pas mauvais. Ouais, oui, c'est pas une version d'Ibi japonaise apparemment. Ah, donc, dommage. Donc, hein. Voilà. Ça, on pourra peut-être essayer de trouver ça pour la prochaine après, fois. On la mettra après. En tout cas, il y a eu un petit souci, le direct a sauté. Mais on est de retour. Voilà. À voir quel passage a été sauté, c'est peut-être pas plus mal. Non, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Non, mais peut-être. C'est, dans les cas-là, il y a un avantage à écouter l'Ardif, il n'y a pas ça. Ah. Très bien. Voilà, en tout cas, moi, je soupçonne quand même un truc. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui serait venu ici, qui aurait tout piraté, qui aurait installé un espèce de filtre anti-Mitch? Genre, quand je commence à parler depuis plus de 6 minutes, ça coupe automatiquement, ça met autre chose. L'agenda concert, il n'a pas été plus long que d'habitude. Ouais, je ne sais pas si ouais, c'est le cas, mais. Il y a un peu d'imitation. Si encore, c'est pas vrai, il faut inventer ça. Ah, bah, peut-être, voilà. Enfin, avec autre chose que les morceaux-là, on s'occupera de la playlist alternative. Tout à fait. Alternative voilà. au monologue de Mitch. Oui, c'est ça. Ça peut venir. Donc, du coup, on va s'écouter Knut. Ouais, je me suis remis à réécouter ce vieux morceau que j'écoutais au tout début où on a commencé Doom Sitter, c'est une petite dizaine d'années, qui du coup a un vieux morceau qui s'appelle Viribis, on va savoir, avec un riff ultra cool que j'aurais adoré pouvoir composer, et en fait c'est eux qui l'avaient fait avant, et donc ça fait beaucoup de plaisir, et juste après on s'est écouté Portrayal of Guilt. Ah ouais. Qui est un groupe globalement de hardcore, hein, on va dire. Ouais, ça, petite influence black hardcore. Metal. J'ai pas fini de parler. Tu arrêtes le filtre anti-Mitch. Oui, mais si tu passes les groupes que j'ai passés dans les émissions aussi, enfin voilà. Tu vois. Ouais, tu m'avais donné le morceau dans le mauvais sens. Alors, je suis obligé de corriger. Ultra mortel. Alors, tu as déjà passé le morceau là il y a peu. Non, pas le morceau là, mais un autre morceau du même groupe. Tu fais quand même pas beaucoup d'efforts, hein, je trouve. Hein. Monsieur. Non, mais c'est mortel, il faut tout passer de ce groupe là. Ouais, non, mais c'est vraiment cool. Moi j'avais. J'ai... Tu as découvert à la radio ou pas? Pas du tout. Ah, j'ai écouté l'Ardif l'autre fois, du coup je remets le même. Non, mais j'ai vu, c'est pareil, ça joue au Roadburn aussi, et ouais. J'avais déjà entendu le nom du groupe, éventuellement quand tu en parlais, peut-être juste à côté de moi, oui. À savoir. Ou alors, enfin, bref. Et j'ai revu une vidéo en fait sur Audiotri, hein, voilà, qui fait des vidéos live de groupe assez régulièrement. Et putain, j'ai trouvé ça vachement cool. Et le batteur fait des breaks dans tous les sens. C'est ultra mortel. Voilà, ça m'a beaucoup interpellé là-dessus. Donc je me suis dit, bah, tiens, allons-y. Même si la voix. En fait, la voix fait un peu trop. Il n'en chie pas assez quand il chante. En fait. Et ça me dérange un peu dans le visuel. Des gens qui maîtrisent trop bien la voix crier comme ça. Je pars du principe qu'il faut quand même être au moins un petit peu. Pas loin de la syncope à la fin du concert. Et là, tu sens que. Bon, tu vois, c'est. Voilà, c'est ouais, je hurle, mais c'est cool. Voilà. Ouais, mais c'est un chanteur qui connaît son taf, c'est tout. Ouais, mais justement. Alors, peut-être que je regarde tes vidéos, ça peut peut-être m'intéresser. Peut-être que comme ça, on pourrait faire une tournée d'une semaine sans qu'on soit à faune au bout de deux. Que je m'en ouais. Non, mais bon, en tout cas, l'audio, ça passe nickel. Enfin, la voix est ouais, vraiment ça vraiment fait beaucoup bien. De plaisir. Tout ça pour dire que, du coup, on va définitivement installer le filtre Mitch. Et donc voilà, on s'écoute Knut et Portrayal of Guilt juste après. ça reste du Arsène. Voilà. Mais c'était mortel, ça, dis donc. Ouais, du coup, à l'instant, c'était Portrayal of Guilt, et juste avant, c'était Knot. Mmh. Yep, donc toujours sur Radio Gamazo, même Tamori. Ouais, cette fois-ci. Cure de rappel, hein. Ouais, non, mais il faut. Des fois, il y en a qui se disent « Oh tiens, c'est cool, il y a les triplettes de Belleville, j'aime bien, qu'est-ce qui se passe après ?» Ah, surprise pour la rediff, tu vois, en pleine journée le mardi, tu vois, histoire de rappeler. C'est vrai aussi. Donc, c'est, je sais pas, qui c'est qui passe. C'est moi. Ah, bah c'est toi. Et bah Arnaud, bah vas-y. Et bah oui, et bah on va rester un peu dans le même mood avec Mortality Rate, un autre groupe de hardcore un peu moderne, qui est pas si éloigné que ça de... Portrait of Guilt, exact. Alors, le morceau, c'est Selfish Thieves, et l'album, c'est, je ne l'ai pas noté, mais je l'avais en mémoire, mais j'oublie, tant pis, c'est leur dernier EP qui est sorti l'année dernière, et c'est un groupe canadien de Calgary, qui joue un petit hardcore bien vénère, un peu moderne, comme ça, et on va enchaîner avec Ganguri, qui est un groupe coréen, qui joue, comment j'avais décrit ça, du doom death sludge ultra lent avec pas bourros, vraiment ça vient d'outre-tombe et comme dirait l'autre, ça chie par la bouche, n'est-ce pas? Donc l'album, c'est un split avec Stitter, un groupe japonais qui est bien doom, bien gras comme ça aussi, et le morceau, c'est Gejanzu. Voilà, donc Mortality Rate et Ganguri. Stop! Et voilà, en termes de ça chie par la bouche, c'est pas mal. Tu vois, c'est toujours du même style. Tu parles comme ça jusqu'à la fin. Non. Et puis moi, je fais que Philippe Manœuvre. Après, je suis revenu de ma vie comme les chanteurs. Moi, je parle normalement en belge, ça roule. Finalement. Voilà, c'était Gangouri. Du gros death, gros doom, gros sludge. Quand tu prépares ton émission, tu vas être content. Allez, putain, j'écoute le morceau jusqu'au bout ou pas, quoi. Toujours. Toujours, ouais, c'est ça. Ouais. Et l'album en entier et tout. Non, mais oui, en fait, j'ai découvert en préparant l'émission, justement, ce groupe-là. Et c'était direct dans le... Je passe ça. T'as pas hésité, quoi. J'ai pas hésité. T'as pas hésité. Et avant, c'était Immortality Rate, un petit groupe bien sympa. J'ai découvert parce qu'ils avaient fait un split avec Judiciary, un autre groupe de hardcore que j'avais passé lors de la fameuse playlist de Kerrang, que j'avais bien aimé. Et puis voilà. Voilà. Mathieu, continuons. Il reste 25 minutes d'émission pour se mettre un petit peu de gros son dans les oreilles. Et tout à fait. Alors moi, je vais mettre un petit peu de hardcore de Barcelone. Alors c'est pas du moderne parce que c'est pas trop ma tasse à café. Je suis plus hardcore old school, du coup ça tombe bien. Est-ce que c'est une vraie expression? C'est pas ma tasse à café? Non, j'ai souhaité la remodifier. Non, on est bien d'accord, non? C'est une réappropriation de l'expression. Il a le droit de faire aimer le thé, hein, après voilà, tout. C'est ça. Oui, je bois un thé tous les matins et un café après. Ok. Donc ça vient dans l'autre sens, tu vois. Oui, je... Tu visualises? Oui, je visualise bien. Très bien. Ça explique que tu es bien en forme, du coup. Oui, bon. Je sais pas si c'est ça qui m'a mis en forme. Non, tu es quand même en forme ce soir. Bon, l'émission de radio me met toujours en forme. en fait, j'ai découvert ce petit groupe de musique qui s'appelle Veneno, qui existe depuis peu, parce qu'il y a Trash, notre ami Trash de Königstein News, le chanteur de Königstein News qui habite à Barcelone depuis quelques années, qui chante dedans. Du coup, j'ai vu qu'il avait posté ça sur des forums, tout ça, puis qu'ils partent en tournée. Alors, j'ai dit, attends, c'est quoi ce truc, machin? Puis j'ai vu une photo, je dis, ah, c'est toi. Très bien. Je vais mettre un titre. Et donc, le groupe s'appelle Veneno. Ils viennent de sortir un album qui s'appelle Heredia. Ils sont en tournée avec un autre groupe de Oi Punk que j'ai voulu passer, mais sûrement la prochaine fois. Ils ne passent pas dans le secteur, mais c'est pas grave. Le titre, c'est No Mi Adapto. Et juste après, on va se mettre Satisfaction. Tu sens que même toi, tu laisses un blanc après ta blague. Rire. Moi, je pense, je milite quand même pour qu'on ait des rires enregistrés. Ouais, mais ça va. Puis des applaudissements aussi. Ouais. Donc c'est un jeune groupe parisien, si je dis pas de conneries, qu'on va qualifier de punk, parce que c'est du punk dans son ensemble, avec des personnes de Bipart, Better of Dead, c'est un groupe féminin qui est vraiment cool. Une petite démo, avec le titre En Enfer. Donc c'est parti, Veneno et Satisfaction. Yo yo, donc à l'instant, on vient de s'écouter Satisfaction. Je vais le faire de façon tout à fait normale. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, bercé dans les années 80, d'après notre camarade. Il y a un son quand même, c'est typé. C'est typé. Mais je n'en doute pas. Je ne pense pas que leur influence soit spécialement hardcore moderne. pas musicalement, là. Il y a même un petit côté surf, je trouve. Ouais, dans la sonorité, un petit peu guitare. Ouais, c'est ça. Ouais. Et juste avant, les très bons Veneno de Barcelone. Donc, voilà. À suivre parce que du coup groupe en tournée Ouais, très bon bloc Mathieu avec quelqu'un cool au chant. Bah Mitch, oui, très bon bloc effectivement, comme oui, mais comme d'habitude je veux dire, il y a pas de faute de goût quoi, tu vois. C'est très basique, on sait où je vais, il y a pas de surprise, mais bon, c'est paf quoi, ça marque le coup quoi. Mais j'étais tout seul, je regardais la fenêtre et puis rien ne m'effraie. Pas même pas peur quoi. Voilà, bon, on va remettre un peu les pendules à l'heure quand même. Alors, on va s'écouter Fistem qui sort solide. Oui, tout à fait. D'une part, c'est solide. D'autre part, ils sortent un nouvel album qui sort solide. Entre autres chez nos amis de Lixiviat Records. De la Belle de Lyon, voilà, moi bon, c'est... Qu'on salue. Oui, tu voulais dire une connerie ? Solide. Ah. Ça y est, il est parti. C'est bien, peut-être boire un whisky. On lui coupe l'alcool. Ah, disons qu'on arrive dans le mounet de bière. Tu peux couper les micros seulement à certaines personnes, Marcus. Arrête, je vais encore me faire baiser. Enfin, finalement, personne ne parle. Donc on écoute Fistem. Oh, et tout je suite, sais pas qui a le micro coupé. Mais... Et tout de suite, on remet les triplettes de Belleville. Allez. Donc voilà, donc on va s'écouter Fistem avec le morceau I Will Never Kill. Et juste après, on va s'écouter Eurodivi, qui est un groupe de screamo post-hardcore de Strasbourg, qui sort un nouvel album aussi, qui est ultra mortel. Le son est particulièrement cool. Enfin, on sent qu'ils aiment bien Birds in Row, ou que Birds in Row les aime bien, on va savoir. Sauf que Eurodivi a réussi à régler la guitare, et ça, c'est une différence assez notable pour que ça soit souligné. Voilà, ça fait du plaisir. Go! Et à l'instant, c'était Eurodivi avec le morceau Parasite. Ah tiens, du coup, on a mis le morceau qui fait pareil. C'était toi ? C'était toi ? C'est moi, c'était moi. C'était toi. Moi, j'ai pas de Parasite. Tout va bien. voilà, donc Eurodivi, vraiment, il y a plein de trucs ultra cool. C'est très bien exécuté. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais jamais trop écouté ce groupe avant. Et là, putain, ça m'a bien soufflé. Voilà, ça fait du plaisir. Et juste avant, c'était Fistem. Voilà. Fistem, aussi, tout bien en place, carrément. Les Suédois, bon gros son comme il faut. Hein, ouais, c'est voilà, ça. Petit HM2 qui traîne, à mon avis. voilà, sans trop de doute. Mais non, non, c'est très très bien. On fait un dernier petit tour du côté du Japon pour finir tranquillement ma petite playlist avec Keiketsu, un groupe punk, punk hardcore assez rapide. Un peu déstructuré. Ça tire un peu sur le punk hardcore, tu veux dire ? Ouais, complètement. D'accord. Ça tire complètement punk hardcore, chant féminin, donc voilà. Un peu dans le style japonais. Donc, un petit morceau écrit en idéogramme que je ne parviens pas à lire, issu de l'album Scapegoat. Voilà. Et juste après, on enchaîne avec. C'est un peu mes petits chouchous du Japon, c'est le groupe Swarm, qui mélange avec brio grindcore et screamo. Voilà, donc il me semble que c'est un de leurs derniers albums et on va écouter le morceau Ties des excellents Swarm. Et on sent ce petit regard à la fois c'était triste et complice de Marcus. Voilà, à l'instant, c'était Swarm avec le morceau Ties. Et juste avant, c'était Keiketsu. Très japonais dans l'esprit. Voilà, totalement. Je pense. Voilà. Très bien. Moi, j'ai passé le dernier bloc, du coup, qui n'est absolument pas japonais et totalement inhabituel pour ma partie. Oh. Enfin, bon, pas tant que ça, mais un petit peu quand même, avec un petit groupe. Un petit peu années 80, comme ça. Non, non, là, c'est que du ska rocksteady. Ah ouais. Pour terminer. Voilà. Ah oui, il avait prévenu qu'il nous surprendrait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est par rapport au Shalini Town, Shalini Fest. Du coup, je voulais passer deux petits morceaux quand même pour leur festoche. Donc, on va commencer par The Berby Cheyennes, donc Ska Skinhead de Dijon. le titre Madelina du LP Secret Avenger. Et juste après, The Pyramids, Simarip. Du coup, Simarip, qui est une légende en fait du ska, ska rocksteady jamaïcain, qui a importé du coup en Angleterre dans les années 60. Donc, c'est une référence en fait du ska skinhead black avec le titre Shotgun. Ah, oui. Yo, donc à l'instant, on vient de s'écouter petite session ska avec Simarip. Et juste avant, Barry Sheyans. Ça tombe bien que j'avais pris mes bretelles, hein, parce que sinon. Sinon, tu serais tombé. On est dans l'escalier. J'en reviens pas deux. Bon, bah, du coup, on va se quitter là-dessus. Bah oui, hein, ça suffit là. Tout à fait nécessaire. Prochaine émission le 19 mars. Exactement. À 20h, comme d'habitude. Oh oui. Voilà. À 20h. En direct avec du guacamole. Mmh. Sûrement. Et toujours écoutable, du coup, en rediffusion, dans bien son sûr, intégralité. Hein. 2 heures de rock. Et en podcast. Voilà. Et sur le site memento-mori-radio.com. Merci, bonsoir. Allez, bonne soirée à tous. Allez, bisous, salut. Allez, enjoy le Larsen. Restez forts. C'est toujours avoir pas les trucs un peu pop comme ça. J'ai envie de chanter sous la douche. C'est le meilleur groupe du monde qui s'appelle Satan. Ce qui rend Larsen super désagréable et super douloureux, c'est qu'il se crée sur une fréquence précise. Ils font vraiment du crust à l'ancienne. Putain, le Larsen de saxophone. Mais moi, je me dis, le rock, c'est pas que ça, quand même. On avait d'autres trucs. On a eu d'autres folies, d'autres délires.